frisson encore moins. Charles de poule de près de loin, un cas admettre ou qu'à rendre moins fou. Aïe, aïe, aïe, doudou. Joli hibiscus, qu'on pample mousse, qu'à couler contre le douce. Encore un.